Vais-je quand je dors? Qui suis-je dans mes rêves? Vais-je en goûter encore? Ce sourire dans mes veines, car je crois bien que je l'aime. Je dois en être sûr, elle doit m'en dissuader. Doit être pur, sans quoi je laisse aller. Aurais-je tant à perdre? Pourrais-je m'en remettre? Est-ce pour autant une chance? Que faire danser ses nerfs? Car je crois bien que je craque. Je dois en être sûr, elle peut m'en dissuader. Et si mon choix perdure, je devrais m'affronter. Les yeux en l'air, la tête ouverte. Déconnecté, les yeux en l'air, la tête ouverte. Je ne suis plus concentré, les yeux en l'air, la tête ouverte.